Ici, nous avons deux découpes laser de cerises qui ont été fabriquées au Fab Lab du Shaddock, le AV Lab. Et elles ont été fabriquées pour tester de l'encre fabriquée à partir de cerises fermentées.